frère qui n'a plus d'espace sur terre. Et toi vieux qui s'oublie d'y avoir cru toute une vie. Homme honnête qui s'endette d'avoir fini par craquer. Homme sans toi, homme sans voix, homme sans croix mais toujours homme. Et toi jeune résigné parce qu'il faut bien bouffer. Et toi vieux résigné parce qu'il faut bien zapper. Toi l'artiste, philosophe, toi l'oisif, sociologue. Toi l'exclu, le venu, le parti, mais reviens. Rejoignez-nous dans la lutte, nous qui sommes si faibles et si seuls. Après tout, nous avons le même but, dégager le ciel pour gagner le sol.